Le pipeline croate. Situation jusqu'au début 1993. Dans l'intervalle, l'Iran et la Turquie livraient des armes à la Bosnie via Zagreb. En avril 1993, il y a de nouveau eu des discussions sur le sujet à Téhéran entre les musulmans bosniaques, les Croates et les Iraniens. Discussions auxquelles le président iranien Rafsanjani et le président bosniaque Izetbegovic ont assisté. Rafsanjani a profité de l'occasion pour proposer de fournir tout son vieil armement russe à la Bosnie et à la Croatie, à la condition que les musulmans bosniaques se chargent d'arranger le transport. Mais il restait encore quelques sujets sensibles entre les deux pays. Durant cette visite, Rafsanjani a exprimé son indignation à la délégation croate à propos du bain de sang d'Amici, un village du centre de la Bosnie où plus d'une centaine de musulmans avaient été tués par des troupes croates le 16 avril 1993. Il est arrivé que les Croates fassent un signe destiné à rappeler à Sarajevo sa dépendance sur le pipeline croate. Par exemple, un convoi de l'organisation humanitaire Meramet a été intercepté au centre de la Bosnie, transportant de l'aide mais aussi des armes et des munitions cachées sous des faux planchers. Fin mars, les deux gouvernements ont tenté de résoudre ces problèmes. Le président Tudjman et le président Izetbegovic ont conclu un accord selon lequel la Croatie continuerait de transporter les armes en échange d'électricité bosniaque pour la région croate de Dalmatie. Tudjman a effectué en avril 1993 une visite en Turquie pour améliorer encore cet accord. En outre, la Croatie a acheté des hélicoptères russes destinés à la Bosnie qui ont été livrés à Tuzla. Sarajevo étant tout à fait conscient de sa dépendance vis-à-vis de la Croatie, Izetbegovic est retourné à Téhéran le 14 septembre 1993 dans le but de renforcer les relations. Pendant ce temps, Holbrooke s'irritait de plus en plus de l'inefficacité du pipeline croate. Lake a décrit Holbrooke comme quelqu'un de très exigeant. Holbrooke a donc proposé que des livraisons à l'armée de Bosnie-Herzégovine soient faites par le biais de pays tiers. Lake, qui avait pourtant toujours été en faveur d'opérations secrètes de ce type, a néanmoins trouvé que ce plan était trop risqué. Christopher, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, partageait son point de vue. Tous deux étaient en faveur du plan « Lift and Strike », mais pas de l'option « Lift, Arm and Strike », lever, armer et frapper. Les propositions de Holbrooke ont cependant provoqué un débat au sein de l'administration. Clinton et le département d'État ont envisagé l'acheminement par l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Ce n'était pas une solution nouvelle. Dans les années 1980, l'Arabie saoudite avait déjà livré 500 millions de dollars d'armes de la part de la CIA aux factions combattantes Moudjahidine d'Afghanistan. Et la relation avec la Turquie en matière de renseignement existait déjà depuis longtemps. Par exemple, il existait des stations américaines de surveillance en Turquie et les services de sécurité domestique turcs avaient dans le passé déjà collaboré avec la CIA et le FBI pour s'opposer au PKK. Entre 1993 et 1995, des propositions dans le sens d'une telle coopération ont été faites au moins trois fois. Mais chaque fois, Lake et Christopher les ont rejetées, toujours par crainte de fuite et de la désapprobation européenne. Les Américains vont-ils soutenir le pipeline croate ? Le chef du service de renseignement croate, le fils du président, Miroslav Tudjman, s'est déplacé en visite à Washington, D.C. à l'automne 1993. Là, il a parlé, entre autres, à James Woolsey, directeur de la CIA. Woolsey, très cynique, l'a accueilli par ces mots. « On me dit que vous avez découvert le secret le mieux gardé de tout Washington, que nous n'avons pas arrêté de politique au sujet de l'ex-Yougoslavie. » Plus tard, lorsque Tudjman dit au directeur de la NSA, agence à la sécurité nationale, que les informations nécessaires à l'élaboration d'une solution au conflit ne se trouvaient pas en Bosnie, mais à Washington, l'Américain lui a répondu « Un secret, nous pouvons le découvrir. Un mystère, c'est une autre affaire. » On ne sait pas si la visite préalable d'Izet Begovic à Téhéran a fait partie des sujets abordés. Quoi qu'il en soit, Tudjman s'est opposé à ce que l'Iran soit impliqué. Pendant ce temps, et depuis la mi-1983, l'idée de la possibilité d'établir une fédération musulmane croate circulait dans l'administration américaine. Washington souhaitait mettre fin au conflit entre les musulmans bosniaques et les croates. Au début 1994, l'irritation à Washington grandissait, en partie à cause des attaques des Serbes de Bosnie, l'armée de la République serbe, sur Sarajevo et Gorazde. Le 5 février 1994, peu après 12 heures, un obus de mortier a explosé au marché Markale à Sarajevo, à proximité de la cathédrale. Environ 70 personnes ont été tuées et 200 personnes blessées. C'était l'attaque la plus lourde jamais subie par Sarajevo. La place du marché était couverte du sang et des membres arrachés des victimes. Les chaînes de télévision occidentales ont fait le choix de ne pas diffuser la majeure partie des images qui existaient, trop horribles. Et malgré cela, ce qui a été diffusé était suffisant pour avoir un impact politique transformateur. L'incident a coïncidé avec une réorientation de la politique des principaux pays occidentaux et avec l'arrivée sur la scène de deux nouveaux participants majeurs au drame bosniaque. En plus d'Akashi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le général Rose, nouveau commandant britannique des troupes de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, prenait justement ses fonctions le 21 janvier des mains du général belge F. Bricmont. Lors du sommet de l'OTAN les 9 et 10 janvier 1994, on pouvait déjà remarquer que les États-Unis avaient commencé à réexaminer leur position sur la Bosnie. William Perry, le successeur de Les Aspin au poste de secrétaire à la Défense, et le général John Shalikashvili, succédant à Colin Powell au siège de chef d'état-major des armées des États-Unis, penchaient plus que leurs prédécesseurs pour la solution d'un déploiement aérien. Lors d'une visite à Paris de Christopher, le secrétaire d'État américain, le 24 janvier, le gouvernement français avait lui aussi fermement insisté en faveur d'une intervention américaine dans la crise yougoslave. Une semaine plus tard, le 1er février, Douglas Hurd, le ministre britannique des Affaires étrangères, à Washington, tenait à Christopher le même discours. Ce qui s'était produit le 5 février au marché de Sarajevo a facilité le revirement de l'administration américaine et sa décision de s'impliquer plus avant en Bosnie. Les diplomates américains Charles Redman et Peter Tarnoff ont été envoyés en Europe après cette attaque à Sarajevo. Ils partaient chargés du message suivant. Les États-Unis étaient prêts à coopérer en vue de l'élaboration de la paix en Bosnie, mais désiraient en même temps que l'action envers les Serbes de Bosnie se durcisse. Il fallait en outre cesser de bloquer la voie des convois humanitaires. Le conflit armé s'est quelque peu apaisé suite à la suspension des hostilités le 23 février et à la constitution le 13 mars 1994 d'une fédération de la Croatie et de la Bosnie, au sein de la Bosnie-Herzégovine, constitution dans laquelle Redman a joué un rôle important.